souviens-tu au coin de la rue? Te souviens-tu? On s'est croisés. De là est née la passionnelle histoire de deux cœurs abîmés. Paraissait plus, surtout les yeux bandés. Te souviens-tu qu'au bout de la rue, les gens riaient de nous entendre, nos corps criaient la soif, mais jamais rassasiés. La tendre et belle histoire de deux cœurs passionnés. Te souviens-tu que c'est je ne l'ai jamais revu, et toi non plus. Te souviens-tu?